Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet Dupré 1862. De la force. Explication. Nous parlerons, en premier lieu, de la vertu même de la force, ensuite, de ses différentes parties, troisièmement, du don qui lui correspond, et enfin des préceptes qui la concernent. La vertu même de la force, son acte principal, les vices qui lui sont opposés, la crainte et l'audace, embrassent 5 questions. Les parties de la force sont au nombre de 4, ce sont, d'abord, la magnanimité, qui nous donne occasion de traiter de la présomption, de l'ambition, de la vaine-gloire, de la pusillanimité, vices qui lui sont opposés, ensuite, la magnificence, puis la patience, et enfin la persévérance. Nous finissons par l'examen du don de force, et des préceptes de la force. Question 123. Nature de la force. La force est une vertu spéciale. Ses applications, son acte principal, ses effets, ses moyens, elle est une vertu cardinale, son rang. 1. La force est-elle une vertu? Les vertus sont des qualités qui confèrent la bonté à l'homme et à ses actions. Pour produire cet effet, elles doivent d'abord rectifier la raison humaine, et c'est le propre des vertus intellectuelles, ensuite, porter cette rectitude de la raison dans les choses humaines, ce qui est l'œuvre de la justice. Enfin, détruire de sorte d'obstacles qui, dans la vie pratique, s'élèvent contre la raison, c'est-à-dire l'attrait des plaisirs mauvais, auxquels la tempérance doit résister, puis certaines difficultés qu'il faut vaincre avec courage et vis-à-vis desquelles la force de l'âme est aussi nécessaire pour en triompher que la force du corps pour repousser et surmonter les obstacles matériels. La force est donc une vertu, en tant que, au milieu des difficultés graves, elle maintient l'homme dans la conformité à la raison. Note. Plusieurs accomplissent des actes de force, sans avoir la vertu de la force elle-même. Quelques-uns bravent un danger par ignorance du péril, d'autres, par une grande confiance dans leur habileté, d'autres, par une forte passion, d'autres, par le désir d'un bien terrestre, d'autres, par la crainte d'un dommage temporel, d'autres, par point d'honneur, d'autres, par l'amour du plaisir, d'autres, par la crainte d'une affliction. La vertu même de la force exige que l'on agisse pour une bonne fin. Fin de la note. 2. La force est-elle une vertu spéciale? Nous pouvons regarder la force comme une vertu générale, ou plutôt comme une condition de toute vertu, si nous n'entendons par là qu'une certaine fermeté de l'âme. Pour pratiquer une vertu quelconque, il est nécessaire d'agir d'une manière ferme et inébranlable. Mais comme, par le mot force, on peut entendre aussi la fermeté particulière qui nous fait supporter ou repousser ce qu'il y a de plus difficile, les grands périls, on doit admettre que la force est une vertu particulière qui, comme l'enseigne Cicéron, consiste à braver les grands dangers avec fermeté et à supporter les maux de la vie avec courage. Ainsi comprise, la force est, par sa matière déterminée, une vertu spéciale. 3. La force modère-t-elle la crainte et l'audace? La cause de la défaillance de la volonté en face des choses difficiles n'est autre que la crainte, qui, comme nous l'avons établi en parlant des passions, fuit les maux difficiles à surmonter. Cela étant ainsi, la force est principalement nécessaire pour étouffer les craintes que les difficultés inspirent, et dont l'effet est d'empêcher la volonté de suivre la raison. De plus, comme il faut souvent, non seulement opposer la fermeté aux choses difficiles en étouffant la crainte, mais encore les attaquer avec une audace modérée pour assurer la sécurité de l'avenir. Nous devons dire que la force modère la crainte et l'audace. 4. La force a-t-elle pour objet propre les dangers de mort ? Le bien de la raison devant être maintenu vis-à-vis de tous les dangers, si grands qu'ils soient, on ne doit appeler force de l'âme que celle qui nous attache d'une manière inébranlable à un tel bien, nonobstant la crainte des plus grands maux. L'homme qui résiste à ce qu'il y a de plus grand, résistera à ce qui est moindre, mais la réciproque n'est pas vraie. Il est d'ailleurs dans l'essence des vertus de tendre à élever nos facultés à leur plus haute puissance. Or, de tous les maux du corps, le plus terrible est sans contredit la mort, qui nous prive de tous les biens sensibles. Il est dès lors indubitable que la force a pour objet propre les dangers de mort. Note. On ne sera pas appelé un homme fort parce qu'on aura supporté quelques adversités, nous ne méritons cet éloge que par notre disposition à souffrir les plus grands maux, et spécialement à affronter, à la voie du devoir, les dangers de mort. Si, dans le premier cas, on nous appelle fort, c'est avec restriction. Fin de la note. 5. La vertu de la force consiste-t-elle seulement à braver les dangers de mort à la guerre ? Cette vertu consiste proprement à braver les dangers de mort pour une bonne fin, soit dans une guerre générale, soit dans une lutte privée, où un juge, par exemple, menacé du glaive, ne veut pas consentir à s'écarter du bon droit, soit dans tout danger de mort auquel on s'expose par un motif de vertu, comme lorsque la crainte de la mort ne nous empêche pas de soigner un ami en proie à une maladie contagieuse, ni d'entreprendre un voyage pour une bonne œuvre, au risque d'être assailli par une tempête ou attaqué par des malfaiteurs. Note. Le martyr, où l'on subit une lutte personnelle en vue du souverain bien, qui est Dieu, est une force qui se place au premier rang et qui rentre dans celle que l'on déploie sur un champ de bataille. Les martyrs sont des guerriers pleins de force. Fin de la note. 6. L'acte premier de la force consiste-t-il à souffrir ? La force consiste à supporter les maux et à demeurer ferme dans le danger, beaucoup plus qu'à attaquer. Elle a pour objet de comprimer la crainte, plutôt que de modérer l'audace. Note. Il est plus difficile de souffrir que d'attaquer, de demeurer ferme et inébranlable dans les périls que de s'élancer tout d'un coup pour les affronter. Les audacieux volent au-devant du danger. Les hommes forts l'attendent. Fin de la note. 7. Le fort agit-il pour le bien de sa propre habitude ? L'homme fort agit pour le bien de sa propre habitude, dans le sens qu'il a pour fin prochaine de donner à son acte la ressemblance de sa vertu, il n'en a pas moins pour fin dernière la suprême béatitude, qui est Dieu même. 8. L'homme fort trouve-t-il son plaisir dans l'acte de la force ? Que dans l'acte de la force, qui consiste principalement à faire le sacrifice de sa vie et à endurer avec courage des douleurs corporelles, il y ait un motif de plaisir à raison de sa bonté même et de la fin qu'on se propose, nous l'admettons. Mais l'homme fort trouve cependant une douleur physique et morale dans les maux qu'il endure et dans la pensée qu'il va perdre la vie du corps, à laquelle tout homme vertueux peut être attaché comme à un bien, non seulement naturel, mais nécessaire aux œuvres de vertu. C'est ce que signifient ces paroles que le saint vieillard Éléazar adressait à Dieu, « Je souffre dans mon corps de rudes douleurs, mais... mon âme les accepte volontiers à cause de votre crainte. » 2 Maccabée 6, 30. La douleur sensible empêche ainsi d'éprouver une véritable joie. Nous devons dire, toutefois, que la surabondance de la grâce divine peut élever l'âme assez haut dans les régions divines où l'on goûte la délectation, pour lui ôter le sentiment des tortures corporelles. Nous en avons une preuve dans le glorieux martyr saint Tiburce, qui, marchant pieds nus sur des charbons ardents, disait qu'il lui semblait fouler un tapis de roses. 9. La vertu de force se manifeste-t-elle surtout dans les périls soudains et imprévus? Libre de choisir, le fort aime mieux connaître d'avance les dangers qui le menacent, il les conjure alors, ou il leur résiste avec plus de courage. Les traits aperçus de loin, dit saint Grégoire, sont moins dangereux, et on supporte plus facilement les maux de ce monde avec la prévoyance pour bouclier. Au point de vue de l'élection, la force ne porte donc pas sur les choses subites. Sous le rapport de sa manifestation, il en est autrement, elle se montre surtout dans les périls inopinés, où elle fait agir comme par une seconde nature. Un danger soudain et imprévu la rend-il nécessaire? L'homme fort, agissant sans préméditation, fait voir qu'elle est bien affermie dans son âme. 10. L'homme fort a-t-il recours à la colère dans son acte? Si, comme les stoïciens, nous appelons passion de l'âme les affections déréglées de l'appétit sensitif, qu'il désignait sous le nom d'infirmité et de maladie, nous devrions admettre que la colère et toutes les autres passions doivent être bannies de l'âme des hommes vertueux. Mais, on s'en souvient, nous avons reconnu avec les péripatéticiens, dont Aristote est le chef, que l'on doit appeler passion de l'âme tous les mouvements de l'appétit sensitif, quels qu'ils soient. Dès lors, la colère et les autres passions peuvent exister dans l'âme du juste sous l'empire de la raison. Or, la raison mettant souvent l'appétit sensitif en exercice dans le but de rendre l'action plus énergique et plus prompte, il est certain que la colère, maintenue dans de justes limites, peut servir à l'homme fort comme élément de son acte. Note. Il est une colère sage, modérée, toujours soumise à la raison, dont l'homme use selon son libre arbitre, c'est de celle-là que la raison se sert comme d'un instrument, et non pas de celle qui ne connaît point de règles. Il ne répugne pas que l'instrument soit moins parfait que l'agent principal, le marteau n'a pas les perfections de l'ouvrier. La force, nous l'avons vu, souffre et attaque. Elle n'a pas besoin de la colère pour souffrir, mais elle y a recours pour attaquer les obstacles. Fin de la note. 11. La force est-elle une vertu cardinale? Les vertus cardinales se distinguent des autres en ce qu'elles possèdent d'une manière éminente l'un des caractères généraux de la vertu. Or il est un de ces caractères qui domine dans la force. C'est la fermeté d'action. Un homme, ferme dans le bien, mérite, en effet, des éloges d'autant plus grands qu'il résiste à des causes de chute plus énergiques. Or, en cela, la douleur corporelle a une puissance supérieure à la volupté. Saint Augustin en fait la remarque. On fuit la douleur plus qu'on ne désire le plaisir. Les bêtes les plus féroces résistent, par crainte des blessures, à leurs instincts les plus violents. La force résiste aux maux et aux dangers les plus redoutables de tous, à ceux qui conduisent à la mort, donc elle est une vertu cardinale. Note. Bien que les dangers prochains de mort soient rares, les occasions de ces dangers ne le sont pas. Il suffit de suivre la justice pour s'attirer des ennemis mortels. Fin de la note. 12. La force l'emporte-t-elle sur toutes les autres vertus? La raison étant notre bien propre, La prudence, qui en est la perfection même, tient le premier rang parmi les vertus cardinales. La justice, qui porte au dehors le bien de la raison, en le faisant régner dans toutes les choses humaines, vient après la prudence. Les deux autres vertus cardinales, la force et la tempérance, qui, pour conserver ce bien, mettent un frein aux passions, se présentent ensuite, mais la force doit passer avant la tempérance, rien n'étant plus efficace pour écarter l'homme de la conformité à la raison que la crainte des dangers de mort. Voici donc, en résumé, l'ordre des vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Les autres vertus morales ne viennent qu'après celles-là. Note. La force nous offre une utilité générale, elle conserve la justice pendant la guerre comme pendant la paix. Les hommes justes et forts, disait Aristote, sont tout particulièrement aimés, parce qu'ils sont utiles et dans la guerre et dans la paix. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.